Et c'est évident, parce qu'un jour, il y a des questions fondamentales qu'il va falloir, comme on dit en anglais, we're going to have to put these questions to rest. Un jour, il va falloir que l'homme, qui est un être lumière, commence à utiliser sa lumière comme les éternels utilisent leur lumière. Donc, les éternels utilisent la lumière, leur lumière, pour créer dans des mondes à l'extérieur des leurs. Des minéralisations. Et il va falloir que l'homme, un jour, utilise sa lumière pour créer dans son monde, en fonction de son monde, de la minéralisation. Quand l'homme établit que telle chose est telle chose, que telle chose est telle chose, il fait exactement ce que les éternels font. Il prend l'énergie de la lumière et il la minéralise, c'est-à-dire qu'il lui donne par appointement une certaine stabilité. C'est ça de la création. Donc un homme qui crée, c'est un être qui a une conscience. Un être qui a une conscience crée ne peut pas faire autrement. Et à ce moment-là, il est libre de penser, parce que penser, c'est un état de conscience déminéralisé. Alors que créer, établir, confondre la pensée, confondre la mémoire de la race qui fait partie de l'expérience de l'âme, mais qui n'a rien à voir avec le pouvoir de l'esprit, c'est simplement être un être involutif avec une conscience planétaire, mais ça n'a rien à voir avec l'âme qui est un être cosmique avec la lumière qui est la source de sa puissance. Donc, si notre univers est une minéralisation créée par un éternel dans un univers à côté, ça veut dire qu'il y a des mondes, puis ça, c'est simplement un univers, puis il y en a d'autres, puis il y en a sept super-univers, un à côté de l'autre, puis au centre de ça, vous avez ce qu'on appelle une île du paradis, c'est-à-dire un centre cosmique qui a aucun temps et aucun espace, un centre qui est tellement vibrant que toute l'énergie dans les univers vient de ce centre-là. Et pourquoi est-ce que l'énergie vient de ce centre-là? Parce que pour que l'énergie existe, faut que l'espace et le temps disparaissent. Ça, c'est le premier niveau de ce que vous appelez Dieu. Après ça, là-dedans, il y en a d'autres. Il y a sept niveaux de Dieu. Donc, vous avez des alephes là-dedans, etc. Bien, on n'est pas équipés, nous autres, les hommes, pour fouiner là-dedans, mais il y a des intelligences, il y a des êtres dans l'univers local, sur différents plans, qui sont équipés pour aller fouiner comme des abeilles dans ces colonnes d'énergie-là, puis étudier ce qu'on appelle le phénomène de Dieu. Mais il faut commencer à arrêter de penser que Dieu, c'est un gars avec une barbe. La raison que je fais cet exercice-là, c'est simplement pour vous faire comprendre, une fois pour toutes, que la psychologie évolutionnaire de l'homme, c'est le début, ou ça sera le début, sur la Terre, du développement de ce que j'appelle l'individualisation de la conscience. C'est-à-dire, le retour à la source de l'homme et la prise de contrôle sur sa propre énergie. Quand l'homme va pouvoir défaire la mémoire de la race à laquelle il appartient, qui constitue la fondation psychologique de son moi planétaire, l'homme va commencer à prendre le contrôle sur son énergie, et éventuellement, l'homme va être très, très habitué à manipuler cette énergie-là, et éventuellement, il va en arriver à pouvoir passer d'une conscience matérielle à une conscience moroncielle, et c'est là que l'homme, finalement, sera ce qu'il a toujours du être, c'est-à-dire un être cosmique, c'est-à-dire un être qui a accès aux autres mondes, aux autres plans et aux autres civilisations. Faut que l'homme arrête d'être un éberlu, ou faut qu'il arrête aussi d'être magnétisé, spiritualisé, dominé astralement, pour en arriver à contrôler la pulsion de cette énergie-là, dont il est essentiellement en potentiel le maître, mais dont il a été essentiellement, pendant l'évolution, la victime. L'homme ne peut pas vivre indéfiniment des énergies de son âme. On ne peut pas être indéfiniment de l'âme qui retourne à la mort puis qui revient par l'incarnation. L'homme doit devenir un jour un partenaire. Dans la relation entre l'âme et l'esprit, l'âme doit être simplement le véhicule énergétique de sa conscience planétaire, mais son esprit doit devenir la force de frappe de sa lumière sur le plan matériel ou sur les autres plans pour qu'il y ait finalement fusion, c'est-à-dire unité de l'âme et finalement conscientisation de son être et éventuellement renoncialisation de sa conscience. Pour que l'homme se découvre. Qu'est-ce que c'est, là? On se pose la question d'où ce qu'on vient, ce qu'on est, ce qu'on s'en va. Il est temps que l'homme en arrive un jour à résoudre ces questions fondamentales-là. Il va les résoudre quand il va avoir la puissance de sa conscience. Quand il va pouvoir exercer la puissance de sa conscience. Et il ne pourra pas exercer la puissance de cette conscience-là tant qu'il n'aura pas finalement traité avec le doute fondamental de son ego lorsqu'il fait face à l'ambiguïté et à la polarité du vrai et du faux. Si vous cherchez la vérité, vous êtes fait à l'os. Parce que la vérité n'existe pas dans l'univers puisque tout est en développement, tout est hiérarchisé. Ce qui est vrai dans un temps, c'est plus vrai dans un autre. Donc, ce que l'homme a besoin de comprendre et de savoir, c'est que le réel sous-tend la vérité, que la vérité est temporairement nécessaire pour l'évolution des systèmes de vie inférieurs à cause de la grande nature animale de la race humaine, mais qu'une fois que l'homme a dépassé les bornes de son inconscience involutive, il n'a plus besoin de la réalité, de la vérité, il est simplement engagé à découvrir le réel, à établir le réel. Et je dis à établir le réel, parce que si vous n'établissez pas le réel en tant qu'individu, il y aura simplement un petit nombre d'individus dans le monde qui l'établiront, parce que le réel ne sera jamais établi à partir des tribunes institutionnalisées de la conscience planétaire. Le réel, ça fera toujours partie de l'âme. Qu'il y a un âme, deux âmes, trois âmes, quatre âmes conscience sur une planète, c'est absolument suffisant pour l'évolution systémique de ce monde-là. La quantité, c'est pas le problème. La quantité, ça fait partie de l'évolution des âmes. La seule raison pourquoi est-ce qu'il y a tellement de monde sur cette planète-ci, tellement de population, c'est parce que les âmes ont besoin de l'expérience et les hommes sont trop inconscients pour les refuser. Si les hommes étaient suffisamment conscients pour refuser l'expérience, la population des âmes sur la Terre descendrait très, très rapidement et il y a beaucoup d'âmes qui iraient évoluer dans d'autres mondes. Mais ça fait partie de l'ignorance de la planète. Puis après ça, vous allez avoir du monde qui vont dire, « Bon, ben, si t'as un enfant, il faut que tu le gardes, là. » L'homme est assujetti à la pénétration du plan matériel par les entités astrales. Parce que l'homme vit sous les lois de la vérité puis du mensonge. L'homme dit, si tu refuses une incarnation, tu crées un meurtre. Commencez par savoir quand est-ce que l'incarnation est humaine. Sachez quand est-ce que l'âme s'incarne. Elle s'incarne-tu quand le fœtus est à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois? Ou à 50-tu quand il sort et qu'il commence à respirer? Quand est-ce qu'à 50? Ça, c'est votre job à le savoir. Quand vous aurez résolu ce problème-là, le reste des problèmes, ça n'existera pas. Mais tant que vous n'aurez pas réussi à résoudre ce problème-là par vous-même, puis à savoir quand est-ce que l'âme rentre, à ce moment-là, vous allez être pris avec le phénomène du vrai et du faux, puis vous allez faire partie de la confrontation politique qui existe aujourd'hui entre les gens qui sont pro-vie puis les gens qui sont contre. Entre l'Église qui veut bien des petits puis la femme moderne qui en a plein le cul. En tout cas, on se reverra une autre fois. C'est des réponses que l'homme doit se trouver par lui-même. Pensez-vous que si ma femme est enceinte, par accident, qu'elle ira voir quelqu'un pour lui demander si elle devrait avorter ou non? Faut que l'homme décide, prenne ses propres décisions. Ça s'en vient de plus en plus dans cette direction-là, mais c'est pas fini. On est réellement assujetti à la mémoire de la race. On est encore au stage d'avoir peur de ne pas pouvoir faire de la peine au petit Jésus. Maudit qu'on est con. Des êtres de 45, 50, 60 ans qui veulent pas faire de la peine au petit Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui leur a mis ça dans la tête que ça existait, le petit Jésus. J'ai rien contre le petit Jésus. Mais je veux pas me faire enculer par le petit Jésus. Je veux pas me faire chier par le petit Jésus. Autrement dit, je veux pas me faire chier par du monde ignorant qui utilise la crainte de l'invisible pour créer sur la terre matérielle une autre sorte de crainte qui est plus dangereuse. C'est évident que je vous parle gras. Puis c'est évident que ça fatigue bien du monde. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes chanceux qu'on soit au Québec puis qu'on a une langue du tonnerre. Une langue qui est capable de faire vibrer, shaker, puis chier bien du monde. Avec un sourire. En France, on peut pas faire ça. C'est trop poli. J'ai demandé à quelqu'un une journée, une Française, j'ai dit, c'est quoi le plus haut degré de colère que vous pouvez faire? Oh, elle me répond, elle dit, oh, quand je dis la bordelle de Dieu, là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec bordelle de Dieu, moi, tabarnak? Moi, j'ai besoin d'un bon tabarnak. Ôte-toi de mon chemin, Christ. Fais-moi pas chier avec tes conneries. Bordelle de Dieu. Puis t'as fâché. C'est une grosse affaire pour elle, bordelle de Dieu. Fait que, vive le Québec. J'ai pas dit libre. Bon, je t'en ai. À vous des questions? Oui. L'âme, c'est de la mémoire. C'est comme des computers. L'âme, c'est de la mémoire. Puis, l'âme découvrira avec le temps que la relation entre sa mémoire et sa lumière crée un phénomène qu'on appelle l'humanité. Le phénomène humain, c'est la relation entre l'âme et la mémoire. On veut dire entre la mémoire et la lumière. Puis la lumière, c'est la pensée. Si l'homme n'avait pas de pensée, il y aurait de l'âme. Un chien, ça a une âme. Ça a une âme collective, mais ça a une âme. C'est pas parce qu'un être a une âme qu'il est nécessairement un être conscient, un être humain conscient. Pour que l'être humain soit conscient, il faut que, en tant qu'individu, en tant que personnalité, sa lumière, c'est-à-dire que sa pensée, soit amené à un niveau d'évolution suffisamment avancé pour que l'âme, qui est la mémoire, ne fasse pas de cet être-là ou de ce phénomène-là simplement une expérience. L'homme ne peut pas indéfiniment vivre d'expérience sur la terre. Il faut qu'il admette l'âme. Mais s'il n'a pas de lumière, s'il n'est pas en conscience mentale, sa pensée est assujettie au courant de l'âme parce que l'âme est en mémoire. Crée dans sa pensée de la réflexion. Et cette réflexion-là assujettit son être, crée de la personnalité et sur le plan d'expérience force l'individu à demeurer prisonnier d'un niveau d'ignorance qui est partiel, autrement dit la sienne, ou globale et collective, donc celle de la race. Au fur et à mesure où l'homme va passer de l'involution à l'évolution, au fur et à mesure où l'homme va rentrer dans une conscience intégrée, sa mémoire, donc tout ce qu'il aura appris, sera sera sous le contrôle de son esprit. Donc, d'une pensée télépathique, d'une pensée vivante. Donc, ce qui sera bon dans la mémoire, l'homme l'utilisera. Ce qui sera inutile dans la mémoire, l'homme le retranchera. Et à ce moment-là, au lieu d'être ce qu'on appelle ignorant, l'homme sera dans un processus d'évolution de conscience. Il pourra accéder à des niveaux plus avancés de science, donc de conscience, et son âme ne sera plus, pour lui, une barrière, c'est-à-dire un obstacle à l'intégration de son énergie globale. L'âme, c'est une mémoire. On vient au monde des êtres programmés à cause de la mémoire de l'âme. L'homme se déprogrammera dans le sens que l'homme comprendra sa programmation, pourra traiter créativement avec sa programmation au fur et à mesure où il aura suffisamment d'esprit. Sinon, l'homme est régi par la programmation et il est invité toute sa vie à commettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire à vivre de la même façon. C'est ça une programmation. Une programmation, c'est une façon de vivre qui n'est pas altérée consciemment par un être humain. Alors qu'une libération d'une programmation, c'est une capacité de l'homme, éventuellement, de pouvoir altérer cette façon de vivre pour en arriver finalement à manifester créativement sur la Terre la totale de ses composantes, c'est-à-dire son âme et son esprit. Ça, c'est un certain degré de fusion, c'est une certaine fusion, et c'est ça qui fait partie de l'évolution, qui fait partie de son rôle, et qui fait partie de sa destinée en tant qu'être conscient. Oui. L'être va diviser son rayon, donc l'être va diviser le rayon de sa pensée quand il va commencer à prendre conscience que sa pensée vient d'ailleurs, que sa pensée est sujette à une certaine manipulation, que sa pensée est sujette à pouvoir informer, comme elle est sujette à pouvoir désinformer. Donc, au fur et à mesure où l'homme va avancer dans l'évolution de sa conscience, il va réaliser qu'une pensée, pour que ça soit utile, faut que ça soit comme un petit peu la téléphonie. Tu peux parler, mais tu peux recevoir. Mais nous autres, on est assujettis à une situation particulière. On peut recevoir, mais on peut pas parler. Fait que c'est une pensée qui a simplement un rayon, alors que la pensée doit avoir deux rayons. Il y a un rayon qui descend puis qui s'en vient vers nous autres, ça nous fait penser, puis il y a un rayon qui part de nous autres puis qui s'en va vers la source, qui nous permet de communiquer. Fait qu'à ce moment-là, on n'a plus de la communication à un sens, on a de la communication à deux sens. Ça, c'est de la télépathie universelle. Mais pour ça, il faut que l'homme prenne conscience éventuellement que son je, que son moi planétaire ou que son je l'invite automatiquement à une prise de conscience limitée, et que le « tu » doit être intégré avec son « je » pour qu'il puisse bénéficier d'une conversation à deux sens. Puis le reste, mais ça, c'est de l'expérience, qui peut durer des années, dépendant de sa nature spirituelle, dépendant de son niveau de croyance, dépendant de sa naïveté, ainsi de suite, puis dépendant de la nature, de sa lumière. Il y a des hommes qui sont plus évolués que d'autres, il y a des êtres sur la Terre qui ont plus de lumière que d'autres, il y a des êtres qui ont des lumières plus puissantes que d'autres, et c'est ça qui fait la différence entre les hommes. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais où il y a un problème, et où il y aura un problème chez l'homme au cours de l'évolution, c'est lorsqu'il ne sera pas capable de traiter avec la lumière des deux bords. Tant que l'homme sera forcé de vivre sa pensée avec d'un bord, il y aura une pensée réfléchie, donc il ne pourra pas entrer dans les mystères de sa conscience. Quand l'homme commencera à s'habituer à une pensée qui va des deux bords, donc à un dialogue au lieu d'un monologue, ce qui n'est pas facile pour un égo qui est habitué à ça depuis des siècles, l'homme pourra commencer à comprendre et à saisir qu'il a accès à beaucoup d'informations, puis le reste, c'est de l'expérience, parce que ces corps subtils devront s'habituer graduellement à s'auto-corriger. Le problème avec la pensée de l'évolution, c'est qu'on n'est pas capable de s'auto-corriger. Quelqu'un t'enseigne quelque chose dans l'évolution, t'es pogné avec ça. T'es toujours pris avec une idéologie. Alors que dans l'évolution, lorsque l'homme aura une pensée qui sera double, autrement dit qu'il y aura deux rayons, l'homme aura une pensée qui pourra s'auto-corriger. Faut qu'on puisse s'auto-corriger. On n'a jamais pu s'autocorriger pendant l'évolution. Fait que dans l'évolution, si l'Église nous disait telle affaire, ben on restait avec ça pendant des années de temps, des siècles de temps. Si les philosophes nous disaient telle chose, on restait avec ça pendant des siècles de temps. Si les politiciens, les idéologues nous disaient telle chose, on restait prégné avec ça pendant des siècles de temps. On n'avait pas la capacité de s'auto-corriger. Les quelques personnes qui ont réussi à s'auto-corriger sont devenues de grands esprits. Bon, on a eu des exemples, on a eu Galilée, on a eu Victor Hugo, on a eu les hommes qui ont jeté ou apporté une certaine lumière à l'humanité. Eux autres avaient une certaine capacité de s'auto-corriger, mais c'était pas suffisant pour comprendre les mystères. Mais ce sont ces hommes-là qui ont permis une évolution, l'évolution de notre civilisation, parce qu'ils ont été capables de s'auto-corriger. Alors que les systèmes, les pouvoirs en place voulaient les garder, les empêcher de s'auto-corriger. Ces êtres-là ont été suffisamment forts, intelligents et volontaires pour briser la puissance qui voulait les retenir. Si on n'avait pas eu ces hommes-là, on serait encore au Moyen-Âge. Si on n'avait pas eu de Voltaire, si on n'avait pas eu de Victor Hugo, si on n'avait pas eu de Galilée, puis d'Archimède, on serait au Moyen-Âge. Alors, l'homme de l'évolution aura la capacité de s'autocorriger à un très haut niveau. Jusqu'où? Moi, je peux simplement vous donner un petit exemple de ce que moi, je peux faire au niveau mental. Mais il y a certainement des hommes qui viendront après moi qui seront capables de faire encore plus au niveau mental parce que le mental de l'homme deviendra de plus en plus vibrant, de plus en plus électrique, de plus en plus systémique. La conscience vibratoire deviendra de plus en plus présente, la conscience morontielle de plus en plus développée, et effectivement, le contact entre l'homme, sur le plan matériel, et d'autres dimensions, ça fera partie de l'expérience de tous les jours, alors qu'aujourd'hui, ça fait simplement partie de nos rêves, qui sont encore des états de conscience en vapeur. Oui. Quand je dis que l'homme a peur de savoir, ça veut dire... C'est pas qu'il a peur de savoir psychologiquement. Ça veut dire qu'il est incapable, sur le plan psychologique de son moi, de se dédoubler instantanément pour faire face à une contre-vérité pour rentrer dans les mystères. Il faut faire face à une contre-vérité. Une contre-vérité, c'est une façon absolue de détruire la vérité à laquelle tu professes. C'est là que l'homme est pas prêt. C'est là que l'homme a peur. Il n'est pas prêt à faire face à une contre-vérité parce qu'il est obligé de soutenir son ancienne vérité afin de maintenir stable la condition psychologique de son moi. Pour faire face à une contre-vérité, faut être frappé par... faut être frappé par le rayon de la création dans le front, c'est-à-dire dans le pinéal, c'est-à-dire sur le plan mental... frapper suffisamment durement pour remettre en question même la vérité du contact. Je suis sûr qu'au cours de l'évolution, les hommes seront, quelque part dans leur expérience, forcés à cause de la puissance du rayon de la création de vivre le besoin, à un certain moment de leur vie, de nier la validité du contact qu'ils auront. Et à partir du moment où l'homme se doit de nier la validité de son contact télépathique avec les plans universels, c'est une mesure, à ce moment-là, du statut universel qu'il a, du plan où il peut aller, et de sa capacité de révéler à l'humanité les archives. Donc, c'est la manifestation de son impuissance. Si vous me demandez jusqu'où un homme peut aller, dans l'étude des mystères, la révélation des mystères, ben, je dirais qu'il peut aller aussi loin que le point où il va être frappé par le rayon de la création qui va ultimement créer en lui le doute absolu de la valeur de sa télépathie. Est-ce qu'on comprend-tu, là? Pour vous donner un autre exemple, un être humain qui est confronté absolument par une quantité d'intelligence absolue est forcé absolument de renier sa petitesse. S'il n'est pas capable de renier sa petitesse, donc se conformer, s'allier, s'unifier à cet absolu-là, il a découvert son plafond. Avoir un plafond, c'est être incapable d'aller plus loin que sa crainte fondamentale. Avoir un plafond, c'est ne pas être capable d'aller plus loin que sa crainte absolue, qui est la crainte fondamentale. Être libre, absolument, c'est la capacité de pouvoir vibrer le mouvement absolu qui va contre la mémoire de ta race en tant qu'individu et être capable de ne pas souffrir l'ultime souffrance qui est la folie. Qui est l'ultime doute. La folie, c'est l'ultime doute de soi. Donc, un homme qui est frappé par le rayon de la création et qui n'est pas assujetti à l'expérience du doute ultime est un être libre. Il est capable de pénétrer dans les mystères, pénétrer dans les archives, révéler à l'humanité les mystères, dépendant du niveau de travail qu'il a à faire ou qu'il veut faire et du temps qu'il a pour le faire, et finalement instituer sur une planète en évolution des nouvelles coordonnées pour l'extinction de la mémoire de la race et l'explosion dans les cosmos parallèles, comme sur le plan matériel, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle conscience. Bye. Je voulais vous demander, est-ce que ça fait votre affaire, ces genres de conférences-là?